vie t'a appris à laisser la chance se saisir. Profiter de cet éden, il ne reste qu'à moi. Tu as donc appris à laisser cette chance revenir en t'appuyant sur d'étonnants conseils. Comme ça, l'Orient m'habitant plus près. J'appuie encore et redémarre. Bye bye Pythagore et redémarre. Comme ça l'Orient m'habitant plus près n'empêche en rien c'est. Je convulse encore et j'en ai marre. Tourne le bouton et redémarre. Comment pulser, danser, maîtriser, parler auprès des peupliers. Retranscrire le corps dans ce départ. Même si je convulse encore, oui j'en ai marre. Contrôler, me cacher, préparer, offrir un nouveau regard. Tiendras-tu donc le bon bout dans ce départ? Oui, je tiendrai le bon bout dans ce départ.